Vaguement. De poèmes par Émile Verhaeren. Enregistré pour LibriVox.org par Stéphanie. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Vaguement. Voir une fleur là-bas, fragile et nonchalante, en cadence dormir au bout d'un rameau clair, en cadence, le soir, fragile et nonchalante, dormir. Et tout à coup, voir luire au clair de l'air, luire, comme une pierre, un insecte qui danse. Instant de nacre en fuite au long d'un rayon d'or. Et voir à l'horizon un navire qui danse, sur ses ancres et qui s'enfle et tente l'essor. Un navire lointain vers les grèves lointaines. Et les îles et les havres et les départs. Et les adieux. Et puis, à ces choses lointaines, à ces choses du soir, confier les hasards. Craindre si la fleur tombe ou si l'insecte passe, ou s'il part le navire à travers vent, là-bas, vers la tempête et vers l'écume et vers l'espace, danser parmi la houle énorme au son des glas. Ton souvenir, et le mêler à ses présages, à ce navire, à cet insecte, à cette fleur, ton souvenir qui plane, ainsi que des nuages, au couchant d'ombre et d'or de ma douleur. Fin de Vaguement.